qu'il faut bien assumer. Les mondes ont envie de s'évader, ils n'en peuvent plus d'être prisonniers. Insoumission à la politique bien trop médiatique. Vive la révolution poétique, abat les infos anxiolytiques. Laissez parler les violons, laissez parler les blessés par les violences, laissez parler les. Laissez parler violons, laissez parler les. Laissez parler les violences, laissez parler les. Ne gobe pas tous les discours du 20h culpabilisateur. Ça fera plus de mal que de peur, un véritable obus dans le cœur. C'est pas la théorie du complot, je n'y crois pas trop. Et les niveaux. Laissez parler les violons, laissez parler les blessés par les violences, laissez parler les. Laissez parler violons, laissez parler les. Laissez parler les violences, laissez parler les. Allons. C'est pas nous priver de contact ou de culture qui va nous sauver. Y'a déjà assez de dégâts collatéraux qui ont été.